الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله إخوة الإسلام الذي يسر لنا زيارة إخواننا بقرية الألعاب الأولمبية هذه بغرونوبل. نلتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذا المسجد الذي أسس على السنة من أول يوم، نلتقي على كتاب ربنا وسنة نبينا وفق فهم ومنهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. فما أطيب هذه المجالس وما أجمل هذا المكان، فهنيئا لمن ساهم في عمارته. Louons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette visite à nos frères du village olympique ici à Grenoble. On se rencontre avec ces nobles visages dans cette mosquée qui a été fondée sur la sunna dit le premier jour. On se rencontre autour du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son prophète alayhi salam, selon la voie et la compréhension des nobles compagnons radwanullahi alayhim et de ceux qui les suivent à la perfection. Jusqu'au jour dernier. فنعم الله أيها الإخوة في الله علينا كثيرة، ومن بينها هذه المجالس dans ce lieu, ce noble lieu qui a été construit à la base sur la sunna du messager عليه الصلاة والسلام. فهذا المجلس أيها الإخوة في الله هو للتناصح والتآلف والتحاب ولتقوية الإيمان وشحذ الهمم. هذا المجلس أذكر به نفسي وإخواني لكي نراجع حسابنا مع ربنا سبحانه وتعالى، وكي نتأمل في أحوالنا. فأعمارنا تمر بسرعة كمر السحاب، وكلما مر عام أو شهر أو يوم يقربنا من المقابر ومن مصيرنا الذي لا بد لنا منه. فالأيام تسير سيرا حثيثا، وسيرها معناه انطواء الأعمار. فكلما مضى يوم مضى بعضنا وجزء من عمرنا. فقال الله سبحانه وتعالى s'est assise pour se conseiller et pour s'aimer pour Allah سبحانه وتعالى et pour renforcer nos relations et pour renforcer notre foi et motiver nos ambitions. S'est assise pour me rappeler à moi-même ainsi qu'à mes frères que nous devons faire nos comptes. Où sommes-nous par rapport à ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala? C'est assise pour méditer notre situation. Notre vie passe comme un nuage. Et chaque année qui passe, chaque mois qui passe, chaque jour qui passe, nous rapproche des tombes et de la fin obligatoire. فعلينا إخوة الإسلام أن نكون صريحين مع أنفسنا وأن نسأل أنفسنا ماذا ننتظر وماذا ينتظر هذا العالم بأجمعه. فالكل ينتظر الموت، وماذا ينتظر من في القبور؟ ينتظرون البعث. فهذا سفر متواصل لا ينقطع، يسير مع مرور الأيام. وهذا إخواني في الله من الواجب علينا أن نذكر أنفسنا ببعض ما يواجه هذا العالم ونحن منه في هذا السفر الطويل إلى رب العالمين. خير الله سبحانه وتعالى إن نزانكم دو سدو موندي كيس كنو زاتوندو إي كيس كي يتون سو موند. Tous nous attendons la mort. Qu'est-ce qui attend ceux qui sont dans les tombes? Bien sûr, la résurrection. Ceci est un long voyage qui ne s'arrête pas. Et il va à l'allure des jours qui passent. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire pour nous de nous rappeler certains événements que ce monde va subir. Et nous avec, car on fait partie de ce monde. On fait partie de ce monde durant ce long voyage vers le souverain du monde, subhanahu wa ta'ala. هذا المجلس إخوة الإسلام للتذكير ببعض هذه الأحوال التي تنتظرنا. نقف في هذه اللحظات القصيرة في هذا اليوم المبارك وهو اليوم الحادي عشر من شهر رمضان لسنة 44 مع سورة قصيرة في كتاب الله عز وجل عظيمة المعاني تهز القلوب الحية وتهز المشاعر إذا تدبرناها. امتلأت قلوبنا خوفا ورعبا مما ينتظرنا وينتظر هذا العالم بأكمله. هذه الصورة الكل يحفظها وهي صورة القارعة. فهنا الله سبحانه وتعالى s'est assise pour nous rappeler certains événements qui nous attendent. On va s'arrêter durant ce court laps de temps de cette journée du 11 Ramadan de l'an 1444 de l'Hégire sur une courte sourate dont les significations sont énormes. Les significations de cette sourate sont percutantes. Il secoue les cœurs éveillés si on la médite. Nos cœurs vont se remplir de frayeur, à cause des événements qui nous attendent et qui attendent ce monde. Cette sourate que tout le monde mémorise, que tout le monde récite, c'est la sourate Al-Qari'a, le fracas, ou le frappant, ou le jour qui va frapper les cœurs d'effroi. Al-Qari'atu, ismun min asma'i yawm al-qiyama. Ismun min asma'i yawm al-qiyama alladhi tusawwiruhu lana hadhihi as-sura al-mubaraka. وموضوعها الرئيسي هول يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فهذه سورة عظيمة تصور لنا أحوال الناس وتصور لنا ذلك الخروج من القبور. فلنتأمل ولنتدبر كل ما جاء في هذه السورة لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وينفع بها قلوبنا ويشحذ بها هممنا وتقوى بها عزائمنا ويزيد إيماننا وأعمالنا الصالحة. القارعة le fracas ou le jour qui frappe d'effroi est l'un des noms du jour de la résurrection. Cette sourate nous donne l'image de ce jour, car le sujet principal de cette sourate, c'est les horreurs de cet événement et de ce jour de la résurrection, qui vont se passer durant cette journée de la résurrection. Il est dit dans la sourate, c'est le fracas, le jour qui frappe les cœurs d'effroi. Qu'est-ce que donc le fracas? Et qui te donnera une idée du fracas? Le jour où il se produira, les hommes seront comme des papillons. Ici, les papillons, ce qui est concerné avec, c'est cette nuée d'insectes nocturnes qui se dirigent vers la lumière et vers le feu. Les montagnes seront comme des flocons de laine, comme des flocons de laine cardés. Celui dont les bonnes œuvres pèseront plus lourd que ses péchés connaîtra une vie agréable qui le satisfera. Quant à celui dont les bonnes œuvres seront plus légères que ses péchés, sa destination finale sera un abîme dans lequel il sera précipité la tête en premier. Que te dira ce qui est l'abîme? C'est un feu ardent. C'est une sourate, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous clarifie sur les événements de ce jour et qui nous donne l'image de la sortie des tombes le jour de la résurrection. Il nous incombe, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, de méditer tout ce qui est cité dans cette sourate, dans l'espoir que cela soit profitable pour nos cœurs et dans l'espoir que cela motive nos ambitions et augmente notre foi et nos bonnes œuvres. Al-Qari'atu ikhwat al-Islam ismun min asma'i yawm al-qiyama wa asma'uha kathira فهي الحاقة فهي الواقعة فهي الطامة فهي الصاخة فهي يوم التغابن وغيرها من الأسماء التي سماها الله سبحانه وتعالى بها وكل اسم من أسماء يوم القيامة يحمل معنى فهذا الاسم القارعة لأنه يقرع القلوب والأسماع بتلك الصيحة التي تحدث الخوف والرعب في القلوب. فإن الله سبحانه وتعالى le fracas ou le jour ou le frappant ou le jour qui frappe les cœurs d'effroi, c'est un des noms du jour de la résurrection. Et les noms du jour de la résurrection sont nombreux. L'événement, la duperie, l'inévitable, la calamité, le son assourdissant, c'est-à-dire qui sera soufflé par la trompe que tient Israfil, alayhi salatu salam, et d'autres noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ce jour. Chaque nom, parmi ces noms, a une signification qui nous clarifie sur les erreurs de ce jour. Al-Qari'a est nommé ainsi, car il frappe les cœurs d'effroi par le son assourdissant de la trompe dans laquelle soufflera Israfil alayhi salatu wassalam. Takhayyal ya Abdallah, takhayyal nafsaka wa anta fil qabr, takhayyal nafsaka wa anta wasat at-tin, in kunta taqiyan salihan fa fi rawdatin min riyadil jannah. وإن كنت طالحا فحفرة من حفر النيران. Imagine ta situation, frère en Allah subhanahu wa ta'ala. Toi le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, imagine ta situation alors que tu es au milieu de la terre, tu es dans la tombe. Si tu étais vertueux dans ce bas monde, si tu préservais les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, c'est un jardin parmi les jardins d'idylis dans lequel tu seras. Et si tu étais un débauché, un polythéiste, si tu es un gouffre de l'enfer. Ya Abdallah, تخيل هذه الحال فبينما العالم بأسره بعد دمار الكون قد سكن القبور ودخل وسط الأرض تحت طبقات التراب إذا بالصيحة تخترق الأسماع لشدتها وهولها وتقرع القلوب لعظمتها بإذن علام الغيوب تخيل أخ الإسلام وأنت في القبر وأنت تحت التراب وإذا بصوت يخترق هذا الركام من التراب ويخترق سمعك ويقرع قلبك ويهزك هزا من أجل أن تقوم تخيل هذا الموقف الذي لا بد لنا منه ولا يمكن لأحد أن يتخلف عنه أبدا وسم يا الله سبحانه وتعالى Imagine cet événement, alors que le monde entier, après sa destruction, est dans les tombes, au milieu de la terre, sous les couches de terre, tout d'un coup, un son assourdissant de la trompe d'Israfil, alayhi salatu wassalam, traverse les auditions de par sa force et sa terreur, et traverse les couches de la terre. Il frappe les cœurs d'effroi. Par l'ordre de celui qui détient seul le savoir de l'invisible. Imagine, Akhal Islam, alors que tu es allongé dans la tombe, se taire tout d'un coup, un son assourdissant traverse cet amas de terre. Il déchire ton audition, il frappe ton cœur d'effroi, il te soulève. Il te secoue fortement pour que tu te lèves pour sortir pour la résurrection. Imagine cette situation à l'islam de laquelle personne n'échappera. Ta'amman à l'islam qawla Allahi azza wa jal al-qari'a wa ma adraka ma al-qari'a karrarahu Allahu azza wa jal li'azamatihi wa ahammiyatihi fallahu azza wa jal kama yaqulu ahlul ilm إذا كرر أمرا إنما يكرره لأهميته وعظمته قال سبحانه وتعالى الحاقة ما الحاقة وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر فالله عز وجل يكرر هذه الأسماء لأهميتها وعظمتها ويكرر اسم القيامة لأهمية هذا الأمر لكي يلفت الأنظار إليه وينبه القلوب الغافلة لهذا الحدث الجلل. Quand Allah سبحانه وتعالى médite le verset, qu'est-ce qu'il dit? Le fracas et qui te donnera une idée du fracas. Allah سبحانه وتعالى l'a répété pour son importance et pour l'importance de ses horreurs. Les savants disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala répète un mot ou un sujet ou un événement, c'est pour son importance. Médite cela, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset qui nous dit le jour inévitable, qui te dira ce qui est le jour inévitable? Et dans l'autre verset, il est dit nous avons fait descendre le Coran pendant la nuit du décret, qui te dira ce qui est la nuit du décret. Allah subhanahu wa ta'ala répète ces noms pour leur importance et répète le nom du jour de la résurrection pour son importance et pour attirer l'attention et éveiller les cœurs insouciants à ce dangereux événement. Al-qari'atu mal-qari'a hiya qari'atun wa kayfa la takunu kadhalik wa Israfil alayhi salatu wassalam ينتظر أمر رب العالمين ينتظر أمر رب العالمين ليرسل بالصور هذه الصيحة التي تقضي على أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم يكرر النفخة لينبعث بعدها جميع الناس بل جميع الجن بل حتى الحيوانات والطيور والكائنات الحية كلها. Le fracas, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui te dira, qui te donnera une idée du fracas? C'est un fracas sans aucun doute. Ça ne peut pas être autrement. Alors que Israfil tient la trompe et attend l'ordre du souverain du monde pour souffler dans la trompe, ce son assourdissant qui fera mourir ceux des cieux et ceux de la terre, excepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala voudra. Et il répétera le souffle pour faire ressusciter toutes les créatures, les humains, les djinns, les animaux, les oiseaux, toutes les créatures vivantes. تخيل يا عبد الله هذا الموقف وربنا يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ميديت فخيرون الله سبحانه وتعالى imagine ce que dit le souverain سبحانه وتعالى dans cette traduction approximative du sens du verset. On soufflera dans la trompe, et tous ceux qui seront dans les cieux et sur terre seront foudroyés, excepté ceux qu'Allah voudra. Puis on y soufflera à nouveau, et voici que toutes les créatures se lèveront et regarderont. Dans le verset est cité le premier souffle, où tout le monde mourra, excepté ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra. Dans le deuxième souffle, tout le monde sera ressuscité par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. تخيل أخ الإسلام حين تشقق الأرض وتخيل حين تأتيك هذه الصيحة وتخيل هذا العالم وتخيل الأرض خلت من سكانها خلت من الحركة خلت من السير من الأصوات توقفت الحياة فيها وتخرب بناؤها فأصبحت خالية من سكانها لا يرى عليها أحد أسكنتها الصيحة الأولى. Imagine soumis Allah subhanahu wa ta'ala la terre qui se fissure. Imagine-toi subir ce son assourdissant afin que tout cet univers et ce qu'il contient meure. Imagine cette terre sur laquelle tu vivais, il n'y a plus personne. Il a été vidé de ses occupants. Plus de mouvement, plus de son, plus de voix, plus de va-et-vient, plus de bruit. Tout s'est arrêté. La vie s'est arrêtée, tout a été détruit. La terre complètement vidée de ses occupants par ce son assourdissant qui a anéanti tout par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jal wa nufikha fi s-sur fa sa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ard illa man sha'a Allah. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, on soufflera dans la trompe et tous ceux qui seront dans les cieux et sur terre seront foudroyés, excepté ceux qu'Allah voudra. Mata man fi s-samawat wa mata ahlu l-ard illa man sha'a Allah. Sayhatan wahida amatat kull shay wa awqafat al-harakat wal aswat la ilaha illa Allah wallahu akbar. Sayhatan ukhra tu'id al-alam min jadid. قال عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم ينظرون. Les habitants des cieux sont morts et ceux de la terre aussi, sauf ceux qu'Allah voudra. Un son a tout anéanti, plus de mouvement, plus de bruit. La ilaha illallah, Allahu akbar. Un deuxième son et tout ce monde revient à la vie, comme il est dit dans le verset. Puis, on y soufflera à nouveau, et voici que toutes les créatures se lèveront et regarderont. Ya Abdallah, kayfa yakuluna yakunu haluna indama naqoum dalika al-yawm. كيف سيكون حالنا عندما سنقوم ذلك اليوم؟ قال سبحانه وتعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. تعرفوا الفراش المبثوث؟ داك الناموس وداك الخشاش ديال اللي تيطير في الليل وتيمشي لجهه الضوء ولا تيمشي لجهه العافيه. ها ملي تيبان لك الضوء تيبان لك كل شيء. هذاك الناموس ودوك البخاخش طايرين غادي لجهه الضوء، هكاك غادي نكونوا. تخيل يا عبد الله وانت واحد من هذا العالم الذي هو كالفراش المبثوث، تخيل نفسك في هذا العدد الهائل والزحام المخيف، هذا العدد الذي لا يحصيه الا رب العالمين سبحانه وتعالى. وسمي الله سبحانه وتعالى. Comment nous allons être? Comment vont être les créatures ce jour-là? Quand ils se lèveront des tombes, ils seront, comme il est dit dans le verset, dans Sourat al-Fraka, le jour où les gens seront semblables aux papillons. Ici, ce qui est voulu avec les papillons, c'est cette nuée de papillons, d'insectes de nuit, qui se précipitent vers le feu, qui se précipite vers la lumière, là où il y a la lumière. Hein? Imagine, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala. Imagine, toi, le soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, alors que tu fais des nombres, que tu eus des nombres de ceux que Allah, subhanahu wa ta'ala, a qualifié de papillons de nuit. Imagine-toi, au milieu de cette assemblée, dont ne connaît le nombre que le souverain, subhanahu wa ta'ala, depuis le début des vivants jusqu'au dernier, tout le monde sera là. Il n'y a qu'Allah qui connaît leur nombre. Allah subhanahu wa ta'ala yusawwiru lana khuruj al-alami min ajdatihim. Qala azza wa jal fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukrin khush'a an absaruhum yakhrujuna min al-ajdati kannahum jaradun muntashir. سبحان الله يقوم الإنسان ويفاجأ بأن الأرض ملئت بالخلق وكل الخلق مندهشون فيسكنهم الخوف الشديد خاصة العصاة منهم والكفار. الله سبحانه وتعالى فخيرنا الله ندون l'image de cette sortie du monde de leur tombe. Il est dit dans le verset: détourne-toi donc d'eux et attends pour eux le jour où Israfil appellera vers une chose affreuse. Le regard baissé et épouvanté, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées, ne sachant où fuir. Gloire à Allah. Gloire au dominateur suprême, subhanahu wa ta'ala. Les créatures sortiront de leur tombe et seront surpris par l'énorme assemblée des créatures. Ils seront effrayés, surtout les débauchés parmi eux, les désobéissants, les mécréants, les hypocrites. Imagine, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, ce nombre comme les sauterelles éparpillées qui ne savent pas vers où fuir. Et on fera partie d'eux. Et on sera au milieu d'eux. هل يستطيع أحد منا أن يتخلف إذا جاء ذاك القرار؟ أيستطيع أحد أن يختبئ إذا جاء هذا الأمر الإلهي؟ قال عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. في ذلك اليوم الشديد، إنسان كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه يقول الإنسان يومئذ أين المفر. تخيل يا عبد الله وانت عاري الجسد حافي القدمين، أين ستفر؟ إلى من تلجأ في ذلك الموقف العصيب؟ قال الله سبحانه وتعالى: Est-ce que quelqu'un peut s'absenter ce jour-là? Quand arrivera le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et quand s'accomplira ce décret d'Allah, est-ce que quelqu'un pourra se cacher quelque part quand cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accomplit? Il est dit dans le verset: lorsque la terre sera secouée par son plus violent séisme et que la terre rejettera les fardeaux qu'il porte, que la terre rejettera les fardeaux qu'il porte en elle, et que l'homme dira: qu'a-t-il donc? Et dans l'autre verset, il est dit: en ce jour, l'homme dira: où fuir? Imagine, akhal Islam, imagine-toi, pieds nus, corps nu, où tu peux fuir? Vers qui tu peux te réfugier de cet événement très difficile? كم هي خسارتنا إخوة الإسلام إذا لقينا الله عز وجل ونحن نحمل الذنوب والمعاصي والبدع والمخالفات لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف ستكون خسارتنا إذا قابلنا الله بما لا يرضيه عنا؟ فيا لهول ذلك اليوم الذي هو أقرب إلينا مما يظن الكثير منا. قال عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فإن الله سبحانه وتعالى كم بيان سغى إنهم نتخفيت si on arrive devant notre souverain subhanahu wa ta'ala avec des péchés, avec des innovations, avec des divergences avec le livre et la sunna de son messager alayhi salam, comment va être notre perte si on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il n'aime pas et ce qu'il n'agrée pas? Les horreurs de ce jour sont énormes. Ce jour qui est très proche de nous, contrairement à ce que croient certains ou à ce que peuvent croire certains. Il est dit dans le verset: ils le considèrent improbable alors que nous savons qu'il est très proche. فذلك اليوم أخي الإسلام هذه الجبال التي ترونها أمامكم هنا في هذه المنطقة وفي غيرها هذه الجبال الشامخة سينسفها ربي نسفا كأن لم تكن. تصور كيف سيجعلها الجبار القدير على كل شيء. قال عز وجل: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتخيل أخي قول الباري سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Ce jour, ces énormes chaînes de montagnes qui vous entourent ici dans cette région, ces énormes chaînes de montagnes qu'il y a partout à travers la planète, Allah les réduira en poussière, comme s'ils n'existaient pas, comme s'ils n'ont jamais existé. Imagine comment celui qui a la puissance absolue va réduire ces chaînes de montagnes à travers la planète. Le verset nous dit: les montagnes seront comme de la laine cardée. Et la laine cardée avec les mains devient très légère. Il est emporté par le vent. Et le vent, on fait ce qu'il veut. Et en plus de cela, certains exégèses disent que il sera de différentes couleurs, c'est-à-dire par rapport aux couleurs du montagne. Les montagnes deviendront aussi légères que la poussière et disparaîtront. Imagine ce que nous dit cette traduction approximative du sens de ce verset dans Surah Taha, où il y dit « Il t'interroge sur les montagnes au jour de la résurrection. Réponds-leur, mon Seigneur les réduira en poussière et ne laissera à leur place qu'une plaine désertique sur laquelle on ne verra ni vallée ni relief. Tout va être aplati par l'ordre de celui qui a la puissance absolue. Tam malachi fillah. هذا التغيير في رمشة عين من أجل أن يحاسب الله الخلائق من أجل أن يحاسب الله الخلائق مي ديت ce changement d'univers on a laps de temps très très court tout ce changement de l'univers pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse les comptes à ces créatures. Qala azza wa jal, yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi, wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar, wa tara al-mujrimina yawma idin muqarranina fi l'asfad. Mais dites cette image qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans ce verset. Le jour où la terre changera d'aspect, ainsi que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. En ce jour, tu verras ceux qui seront dits coupables de mécréance enchaîner les uns aux autres. Imagine. Tam malakhi fillah. Hada at-taghyir kulluhu. Likay yanala kullu wahidin minna. جزاء عمله هذا الحدث الجلل لكي يرى كل منا مصيره قال عز وجل فأما من ثقلت موازينه هنيئا لمن ثقلت موازينه بالحسنات هنيئا لمن رجح ميزان حسناته على سيئاته فهو الذي يفرح يومئذ ويعلن فرحته ذلك اليوم والحسنات نكتسبها في الحياة الدنيا قبل أن نغادرها ميديت او فريغ ان الله ce changement de l'univers tout cela pour que chacun de nous voit les récompenses de ses œuvres, voit ce qu'il a mérité avec ses œuvres. Ce grand événement pour que chacun de nous voit sa destination finale et éternelle. Il est dit dans le verset, celui dont les bonnes œuvres pèseront plus lourd que ses péchés. Ben, félicitations à celui-là dont les bonnes œuvres pèseront plus lourd que ses péchés. C'est lui qui sera heureux ce jour-là. C'est lui qui déclarera et qui criera fort sa joie et son bonheur. Ikhwat al-Islam, فبماذا تقولت موازينه تقولت بالصلوات الخمس في وقتها بصيام رمضان بزكاة ماله بحج بيت الله الحرام بالعمرة بقراءة القرآن ببر الوالدين بطلب العلوم الشرعية بسماع العلم باتباع نصائح العلماء الربانيين بالتسبيح بالتهليل بالتكبير بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بحسن الخلق ببره لأقاربه وإخوانه بنصحه لأمته بخوفه من الله سبحانه وتعالى بقوة إيمانه وباتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى بأخذه بالكتاب والسنة ووفق فهمي ومنهجي صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. تقلت موازينه يوم أن عاش على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق أولئكم الأخيار الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتخذ منهجهم وطريقهم. تقلت موازينه بالطاعة والعبادة والعقيدة الصحيحة والمنهج الحق السليم. تقلت موازينه يوم أن كان حريصا على الحسنة. تقلت موازينه يوم أن ابتعد عن الشرور وعن الهوى وعن البدع وعن مخالفة الكتاب والسنة وأقبل على الخير بقلبه وجوارحه، فكان جزاؤه كما قال رب العزة سبحانه وتعالى: فهو في عيشة راضية. هذا الذي علينا إخوة الإسلام، هذا الذي سينفعنا يوم لقاء الله عز وجل، وإلا ضيعنا وضعنا، ضيعنا العمر وضعنا. كيسكيا فرون الله سبحانه وتعالى كيسكيا في بيزي لور دو لا بالونس دو سولوي دو سولوي لا سي كوا كي ا في لو بوا سور سا بالونس باسي تو سامبلومون l'accomplissement des cinq prières à l'heure, le jeûne du mois de Ramadan, la zakat de sa fortune, le pèlerinage, la umra, la lecture du Coran, l'obéissance à ses parents, dont l'obéissance à Allah, la demande de la science, de la législation, le fait d'écouter la science, des hommes de science et de suivre les conseils des dînes savants, des éducateurs de la communauté, les glorifications d'Allah, la proclamation de l'unicité d'Allah, le fait d'ordonner le convenable et de blâmer le blâmable avec son bon comportement, le fait d'être bon avec ses proches, le fait d'être bon avec ses frères en islam, le fait d'être un bon conseiller pour la communauté, le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de préserver ses droits, et d'avoir une foi, une forte foi en Allah subhanahu wa ta'ala, on les promesses d'Allah. Il a gagné et sa balance a pesé lourd au niveau de ses bonnes œuvres par son suivi du messager alayhi salatu wassalam, et avec le fait d'être cramponné au livre et à la sunna selon la voie et la compréhension des nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Et là, sa balance a été alourdie par les bonnes œuvres, car il a bâti sa vie sur le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam, selon la voie et la compréhension des nobles compagnons d'Allah alayhim, et ceux qui les suivent à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. Il a bâti sa vie sur la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire qu'il faut prendre si on veut arriver à sa satisfaction subhanahu wa ta'ala. Ta'ammal akhi qawla Allah azza wa jal fa huwa fi 'eeshatin radiyah. 'Eesha radiyaha lahu rabbuhu subhanahu wa ta'ala wa radiyaha li nafsihi fala yuridu an yahida 'anha wa la an yakhruja minha. Qala 'azza wa jal: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Le verset nous dit: il connaîtra une vie agréable qui lui satisfera, une vie qu'Allah lui a agréée qui lui satisfera. Il ne voudra pas s'en détourner, ni la changer. Il est dit dans le verset: quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, ils auront pour séjour les jardins du paradis, où ils demeureront éternellement, sans jamais désirer aucun changement. فهو في عيشة راضية نخل الإسلام. قال ربنا فهو في عيشة راضية هنيئا له، وقد دخل الجنة مع الداخلين فهنيئا لهم، فازوا ورب الكعبة، وهذا هو المستقبل الحقيقي الذي يجب أن نعمل له. قال سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نخشى أن نتخلف وما عدم الحسرة والندامة ذلك اليوم. ده دار أين المتقين يدخلون الجنة ونحن مع المتخلفين؟ ما أشد هذه الخسارة وهذه الحسرة. قال: خزنة الجنة للفائزين، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هل سيقال لنا هذا؟ هل سيقال لنا هذا هنيئا لهؤلاء؟ إن قال الله عنهم وعن حالهم: قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Le verset nous dit: il connaîtra une vie agréable qui le satisfera. Félicitations à celui-là qui rentrera au paradis parmi ceux qui vont y rentrer. Félicitations à ceux-là qui ont eu Félicitations à celui-là qui rentrera au paradis parmi ceux qui vont y rentrer. Félicitations à ceux-là qui ont atteint l'avenir réel pour lequel il faut œuvrer. Il est dit dans le verset: quant à ceux qui auront préservé les droits de leur Seigneur, ils seront conduits par groupes successifs vers le paradis. Lorsqu'ils y parviendront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront: vous voilà préservés de tout mal, puisque vous avez été bons sur terre, entrez au paradis où vous demeurez éternellement. Frères en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a à craindre que nous ne soyons pas parmi ceux-là. Et combien sera notre faillite et notre perte, et notre regret, quand on verra ceux qui ont réellement préservé les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont réellement œuvré pour l'avenir réel, entrer au paradis. Et nous, on reste avec ceux qui n'y entrent pas. Les gardiens du paradis leur diront à ceux qui ont la félicité, et ces gardiens leur diront: vous voilà préservé de tout mal, puisque vous avez été bon sur terre, entrez au paradis où vous demeurez éternellement. Est-ce qu'il ne sera dit cela? Félicitations à qui Allah a dit cela, et qui diront, comme le verset nous le dit, les bienheureux diront: louange à Allah qui a tenu envers nous sa promesse. Il nous a fait hériter du paradis au lequel nous installons où nous voulons. Combien est belle la récompense de ceux qui œuvrent pour cela. Takhayyal akha al-islam. Takhayyal inda insirafika min al-mizan. وأنت فرح مسرور بالفوز. هذا ليس فوز المونديال ولا فوز البكالوريا ولا الفوز بالدكتورة، هذا الفوز الأبدي، هذا المستقبل الحقيقي، هذا الذي يجب أن نعقله ونعمل له. قال عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فهنا الله سبحانه وتعالى imagine toi en quittant la balance des œuvres et que la grande joie t'habite, la joie d'avoir réussi. Ceci, c'est pas la réussite du mondial ou la réussite du bac ou du doctorat. Ceci, c'est la réussite éternelle et la réelle réussite et l'avenir réel. Nous devons être conscients de cela et l'avoir à notre esprit et œuvrer pour l'avoir. Il est dit dans le verset: quant à ceux dont les bonnes œuvres pèseront lourd, ils seront les gagnants et les bienheureux. Al-falahu ikhwat al-islam la yakunu illa bi fi'li at-ta'at. Al-falahu yakunu bi jam'i al-hasanat. Al-falahu yakunu bi shinab as-sayyi'at. Wa takhayyal al-fariq al-akhar alladhi hurima min al-mustaqbal al-haqiqi. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. تخيل هذه النتيجة المشؤومة، هذه النتيجة المنحوسة، تخيل هذه النتيجة التي يحاول العبد أن يفر منها ولا يستطيع، يريد العبد أن يفر منها يوم القيامة، يريد العبد أن يفر من فعل يده ومن فعل لسانه ومن فعل سمعه ومن فعل بصره ومن فعل رجليه ومن فعل جوارحه التي كان يتلدد به في هذه الدنيا وكان مسرورا به، لماذا يريد الآن أن يفر؟ يريد أن يفر لأنه تيقن أن هذا كان السبب في شقائه وهلاكه وخسرانه، فما أسوأ هذه النتيجة. قال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فإن الله سبحانه وتعالى لا غيسيت لا فيليسيتي s'obtient par l'obéissance à Allah. Le gain et la réussite se fait avec le fait d'amasser les hasanat dans ce bas monde et avec le fait de s'éloigner de la turpitude et des blâmables et avec le fait de s'éloigner de toute forme de désobéissance à Allah et à son messager. Prions Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine la situation du deuxième groupe qui a raté l'arrivée réelle, qui a raté l'avenir réel. Le verset nous dit: quant à celui dont les bonnes œuvres seront plus légères que ses péchés, sa destination finale sera un abîme dans lequel il sera précipité la tête en premier. Imagine, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, ce résultat sinistre, ce résultat déplorable. Imagine cet avenir réel duquel le serviteur veut s'échapper à ce moment-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le soumis à ce jour-là veut s'échapper. Le jour de la résurrection, il veut s'échapper du résultat sinistre et malheureux. Mais il ne pourra pas. Il veut se sauver de quoi? Il veut se sauver de ses mauvais actes qu'il a accomplis avec ses mains, qu'il a accomplis avec sa langue, qu'il a accomplis avec ses yeux, qu'il a accomplis avec ses oreilles, qu'il a accomplis avec ses pieds. Il veut se sauver des actes qu'il a commis avec les membres de son corps qui lui ont donné une joie et un plaisir éphémère dans ce bas monde. Et maintenant, il veut s'en sauver. Et les fuir. Pourquoi il veut les fuir? Car il a la certitude maintenant que ceci est la cause de son malheur, que ceci est la cause de sa situation sinistre dans laquelle il s'est retrouvé. Quel mauvais résultat et quel sinistre avenir que celui-ci, il est dit dans le verset, nous décrivons ce sinistre, le jour où chaque âme trouvera devant elle le bien qu'il aura accompli, de même que le mal qu'il aura commis, et il souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Ça, c'est son souhait le jour où les souhaits ne servent à rien. وتأمل أخ الإسلام قول الجبار سبحانه وتعالى وأما من خفت موازينه ماذا له ماذا سيحصل له انظر فأمه هاوية تخيل أخ الإسلام سقوط هذا المسكين في النار تخيل وهو يهوي في أجواء النار والنار قعرها بعيد النبي صلى الله عليه وسلم سمع وجبة مع أصحابه أي صوتا لسقوط شيء من أعلى إلى أسفل سمع وجبة مع أصحابه فقال تدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قهرها رواه الإمام مسلم 70 سنة وهو يهوي وما وصل إلا بعد 70 فكيف يكون حالنا كيف يكون حال هذا العبد الضعيف وهو يقطع هذه المسافة الطويلة فعلينا عباد الله أن نراجع أنفسنا قبل أن ندخل القبور وقبل أن يصل يوم الحسرة ويوم الندامة وما أشد حسرة وندامة وهل تنفع الحسرة والندامة ذلك اليوم هل ستنفع صاحبها اسمع لقول الباري سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وهذا لن ينفع الذي ينفع الآن هو اتباع الكتاب والسنة وفق ما كان عليه صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين هو الذي سينفع ذلك اليوم أما الندم والحسرة ذلك اليوم بعد التفريط فهذا لن ينفع بشيء لن ينفعنا بشيء وكلنا ذلك العبد الضعيف الذي يجب أن يحاسب نفسه وأن يعمل لمصيره الدائم والسرمدي Mes dites frères en Allah subhanahu wa ta'ala La parole du dominateur suprême dont la traduction approximative de ce verset quant à celui dont les bonnes œuvres seront plus légères que ses péchés. Il va lui arriver quoi? Il aura quoi? Regarde et médite. Ce qui suit dans le verset, sa destination finale sera un abîme dans lequel il sera précipité la tête en premier, complètement à l'envers. Imagine la descente de ce pauvre dans cette chute vers le fond lointain de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un jour avec ses compagnons un bruit très fort provoqué par une chute. Et il a dit aux compagnons ridwanullahi alayhim, vous savez ce que c'est? Ils ont dit, seul Allah et son messager le savent. Et il a dit, c'est une pierre qui a été jetée en enfer depuis 70 ans, 60 tonnes dans le hadith, ça veut dire 70 ans. Et juste maintenant, il est arrivé au fond de l'enfer. Le hadith dit l'imam muslim. Jeté 70 ans, hein, dans la descente pour arriver au fond. Comment alors va être la situation de ce pauvre? Comment va être notre situation si c'est notre sort, c'est cela? Comment va, ça va être notre situation dans la traversée de cette horrible distance entourée du feu de partout? C'est pour ça qu'il nous incombe, frères en Allah subhanahu wa ta'ala, de réserver de réviser notre situation et de faire les comptes avec nous-mêmes avant d'être enterrés et avant le jour de la résurrection. Quel énorme regret sera ce jour. Mais est-ce que le regret va servir ce jour-là? Est-ce que le regret servira à quelqu'un ce jour-là? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Écoutez le verset qui nous dit « Conformez-vous à la meilleure révélation qui a été faite de la part de votre souverain avant que le châtiment ne vous frappe soudainement sans que vous le présentiez et avant que la personne ne dise au jour de la résurrection malheur à moi et commence à regretter malheur à moi pour mes manquements envers Allah, j'étais certes parmi les railleurs, parmi ceux qui se moquent. Tamma lakha al-islam hadhihi al-hala fi qawlihi 'azza wa jalla hina tara al-'adab. Hina tara al-'adab, ahina taqifu amama al-'adab 'ala shafir an-nar. Qala 'azza wa jalla wa law tara إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تأمل هذا القول يا ليتنا نرد إلى أين؟ إلى الدنيا. وهل يمكن العودة بعد خروج الناس من قبورهم؟ وهل يمكن بعد دخول الناس إلى القبور؟ وهل يمكن بعد انقسام الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير؟ أيها الإخوة في الله، لا بد أن نستشعر هذه المعاني المذكورة في كتاب الله، وكل وعيد شديد مذكور في كتاب الله يجب أن نستشعره في حياتنا. فهذا كله الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته ليس مصير الحجارة ولا مصير الأشجار، إنه مصير الجن والإنس ونحن منهم. Comme dit frère en Allah سبحانه وتعالى, cette situation dans ce verset, avant que le châtiment ne vous frappe soudainement, s'il dit, hein? Avant que le châtiment ne vous frappe soudainement. Frère en Allah, c'est au moment où le serviteur est en face, ce moment-là, c'est le moment où le serviteur est en face du châtiment sur le bord de l'enfer pour y être jeté. Il faut qu'on s'imagine ça et qu'on se rappelle ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on revient vers Allah. Imaginez ce grand regret, combien il sera douloureux. Il est dit dans le verset, si tu les voyais lorsqu'on les arrête devant l'enfer et qu'ils diront, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur terre, nous démonterions plus les signes de notre Seigneur et serions du nombre des croyants. Hélas, commence à regretter. Hein? Mais dites cette parole à ce moment-là. Est-ce qu'il va servir? Hélas, si nous pouvions être envoyés sur terre, c'est-à-dire revenir à la vie dans ce bas monde. Est-ce que ceci, ça va être possible? Abadan, c'est impossible d'y revenir. On rentre dans la tombe, khlas. On attend la résurrection. Une fois à la résurrection, il n'y a plus de revenir vers une vie de ce bas monde. C'est fini les œuvres. C'est maintenant, tant qu'on a la vie, qu'on doit se cramponner au livre et à la sunna, selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs, si on veut arriver à la satisfaction. Hein? Est-ce que c'est possible que quelqu'un revienne après que les gens se sont séparés, les gens de l'enfer et les gens du paradis? Abadan akhal islam. Mais c'est maintenant que nous devons être éveillés. C'est maintenant que nous devons accomplir notre vie sur cette voie que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, sur cette voie sur laquelle on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider dans chacune de nos prières. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dallin. Cette voie qui est la voie tout simplement, la voie de la soumission à Allah, la voie du Coran, la voie de l'islam, la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses nobles compagnons radhiyallahu alayhim. C'est celle-là qui va nous prévaloir, hein, l'agrément d'Allah et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de le regretter. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, ceci, ces châtiments cités dans le Coran, ces avertissements qu'il y a dans la parole d'Allah, ces châtiments cités par notre messager alayhi salatu wassalam, ces avertissements que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a cités, ne doivent pas être des paroles tout simplement que nous disons, hein, et que nous entendons comme ça. Il faut que ça ait de l'effet sur nous. Et on doit être conscient de ce que notre souverain a annoncé, subhanahu wa ta'ala. Et on doit être conscient de ce que nous a annoncé le messager, alayhi salatu wassalam. Car tout ce qui est cité comme châtiment, comme avertissement, dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et tout ce qui est cité comme horreur durant le jour de la résurrection, et tout ce qui est cité comme blâme dans la parole d'Allah et dans la parole de son messager, alayhi salatu wassalam, ceci n'est pas pour les pierres, ceci n'est pas pour l'eau, ceci n'est pas pour les arbres. Ceci est pour les humains, ils gênent et on fait partie d'eux. Man minna ayyuha al-ikhwatu al-kiram, indahu watiqatun min Allah, annahu la yadkhulu an-nar. Man yatajarra minna ala qawli hadha. Wa rabbu al-izzati yaqul, ya ayyuha alladhina amanu, قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة غلاظ شداد لا يعصون أمر الله. يأتي أمر الله إلقوا هذا في قعر النار يلقونه ولا يبالون لأنهم يأتمرون بأمر الله سبحانه وتعالى. تأمل أخ الإسلام في هذه الآية، نادانا العزيز الجبار باسم الإيمان وحذرنا من النيران. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنا وأنت يا عبد الله واحد من أهل هذا النداء، أنا وأنت واحد من هذا العالم، هذا العالم المسلم، هذا العالم المؤمن الذي ناداه رب العزة سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. فهذا نداء لكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا نداء يحذرنا الله سبحانه وتعالى فيه من النار، فعلينا الاستجابة لنداء ربنا بتحقيق التقوى التي هي امتثال الأوامر وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رجاء ثواب الله عز وجل واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة عقاب الله. فهذه التقوى هي التي ستكون لنا زادا يوم لقاء الله، وهذه التقوى هي وقايتنا من غضب الله يوم لقاء الله عز وجل. فلنسارع أن نكون من المتقين، فلنسارع إلى إجابة نداءات الرحمن لكي نكون من الفائزين. خون الله سبحانه وتعالى كي parmi nous est sûr de ne pas entrer en enfer? Qui a une promesse parmi nous d'Allah ou de son messager pour ne pas et jeté au fond de l'enfer? Qui pourrait avoir l'audace de le dire, de dire cela? Alors que le verset émanant du puissant dominateur subhanahu wa ta'ala nous dit, dans cette traduction approximative du sens du verset, « Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible et dont la garde est assurée par des anges durs, rudes, qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et exécutent tout ce qu'il leur est ordonné. Des gardiens, hein, pour rien faire avec. Ils reçoivent les ordres d'Allah et les mettent en application. Jetez celui-là en enfer, il est jeté en enfer. Frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah nous a appelés par le terme l'Iman. Ya ayyuha alladhina amanu. Et nous a avertis contre le feu de l'enfer. Soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, on fait partie du nombre de ceux qui sont concernés par l'appel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et par les appels d'Allah. On fait partie de ceux qui ont cru en Allah, qui ont pris l'islam, la soumission comme religion, et Muhammad comme messager, prophète d'Allah. Hein? Et donc, ces appels nous concernent. Tous ces appels qu'il y a dans le Coran, soit des appels qui nous annoncent des promesses, ou des appels qui nous annoncent ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, ou qui nous annoncent les châtiments qui attendent les désobéissants. On doit, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, en tant que soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, de répondre aux appels d'Allah et d'acquérir la provision pour rencontrer Allah. La provision, ici c'est quoi? C'est taqwa. Taqwa c'est quoi? C'est simple. C'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec preuve venant du livre et de la sunna, en espérant les récompenses d'Allah. Et c'est le fait de s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit avec preuve venant du livre et de la sunna en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous voulons assurer notre avenir réel, il faut qu'on accomplisse taqwa dans notre vie. Il faut qu'on fasse partie du nombre de ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on fasse partie de ceux qui répondent présents aux appels d'Allah subhanahu wa ta'ala. فسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سألوه سبحانه وتعالى أن يلينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يلينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سألوه سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا